Paix. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes. C'est une maladie convulsive et violente du corps politique. Il n'est en santé, c'est-à-dire dans son état naturel, que lorsqu'il jouit de la paix. C'est elle qui donne de la vigueur aux empires. Elle maintient l'ordre parmi les citoyens. Elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire. Elle favorise la population, l'agriculture et le commerce. En un mot, elle procure au peuple le bonheur qui est le but de toute société. La guerre, au contraire, dépeuple les États. Elle y fait régner le désordre. Les lois sont forcées de se taire à la vue de la licence qu'elle introduit. Elle rend incertaine la liberté et la propriété des citoyens. Elle trouble et fait négliger le commerce. Les terres deviennent incultes et abandonnées. Jamais les triomphes les plus éclatants ne peuvent dédommager une nation de la perte d'une multitude de ses membres que la guerre sacrifie. Ses victoires même lui font des plaies profondes que la paix seule peut guérir. Si la raison gouvernait les hommes, si elle avait sur les chefs des nations l'empire qui lui est dû, on ne les verrait point se livrer inconsidérément aux fureurs de la guerre. Ils ne marqueraient point cet acharnement qui caractérise les bêtes féroces. Attentifs à conserver une tranquillité de qui dépend leur bonheur, ils ne saisiraient point toutes les occasions de troubler celles des autres. Satisfaits des biens que la nature a distribués à tous ses enfants, ils ne regarderaient point avec envie ce qu'elle a accordé à d'autres peuples. Les souverains sentiraient que les conquêtes payées du sang de leurs sujets ne valaient jamais le prix qu'elles ont coûté. Mais, par une fatalité déplorable, les nations vivent entre elles dans une défiance réciproque. Perpétuellement occupées à repousser les entreprises injustes des autres, ou en former elles-mêmes, les prétextes les plus frivoles leur mettent les armes à la main, et l'on croirait qu'elles ont une volonté permanente de se priver des avantages que la Providence ou leur activité leur a procurés. Les passions aveugles des princes les portent à étendre les bornes de leurs États. Peu occupés du bien de leurs sujets, ils ne cherchent qu'à grossir le nombre des hommes qu'ils rendent malheureux. Ces passions, allumées ou entretenues par des ministres ambitieux ou par des guerriers dont la profession est incompatible avec le repos, ont eu dans tous les âges les effets les plus funestes pour l'humanité. L'histoire ne nous fournit que des exemples de paix violée, de guerres injustes et cruelles, de champs dévastés, de villes réduites en cendres. L'épuisement seul semble forcer les princes à la paix. Ils s'aperçoivent toujours trop tard que le sang du citoyen s'est mêlé à celui de l'ennemi. Ce carnage inutile n'a servi qu'à cimenter l'édifice chimérique de la gloire du conquérant et de ses guerriers turbulents. Le bonheur de ces peuples est la première victime qui est immolée à son caprice ou aux vues intéressées de ses courtisans. Extrait d'un article de Damilaville.